Encore une fois Chiron, je suis l'auteur en vrac, complot tranchant Matzing, mais solidaire en vrai. Si tu t'accroches à ça, qui essaierait de l'enlever? Dans mon coin j'écrivais seul un défi que j'ai cru facile, et c'est pour mes potes ça que je prime la qualité. Donc vas-y, apprécie le son de la localité. Un peu de tristesse dans les veines, tu sais bien les problèmes entre Estas dans la vie en solitaire. 2007, c'est le tir dans ma cible, ma rime un sélecteur d'émotions. Est-ce que je suis à la hauteur? Dis-moi ça. Dans le but de broyer tout en état d'ébriété, j'ai eu besoin de personne. Chiron s'est fait seul, maintenant arrête-nous. Si on fait que s'enfoncer, aujourd'hui j'ai deux crews, mais j'en ai perdu un et j'apparais d'entrée comme un jeune hyper doué. Mais pour certains, je suis qu'un petit coup, mais faudrait sortir de son optique. Dans tous les cas solidaires, je me suis consolé tard. J'ai la rime originale, putain qui c'est l'auteur. Depuis le départ, ouais je suis calibré, sorti de nulle part et chaud comme la presse. Peut-être victime d'un accident, ce que je veux difficile d'y accéder. Je sais que j'ai beaucoup d'antécédents, c'est dur d'admettre de décéder. Aujourd'hui être franc, je l'ai décidé, mais décidément la joie se décime et moi je vois pas les montagnes. Si j'ai des sous, je vois pas les montées le plus haut possible. Mais je suis déçu, autour de moi tout est nuisible, la nuit est une cible. Où est passé le marchand de sable qui me jette un grain dans l'œil pour m'endormir? En gros c'est de l'ail, on s'endure, merde. On a rien, même pas d'opportunité. Donc entre nous faut que le soutien apporte l'unité. Y'a peu d'amour véritable, sauf pour les proches, pour les parents. Les gens verront stable, les jeunes féroces, je tiens le pari. La vie une tornade de crasse, on peut sortir, je me demande par où. Un malaise au cœur, ça c'est pas rare. Donc je fais des textes, mais pas de parure. Rien à foutre, tu les trouves pourris. Je les fais que pour moi, t'entends. Tous ceux que je connais, ceux qui se reconnaîtront dedans. Et là, y'a que mon joint que j'embrasse. Pourquoi tous des teints s'encrassent? Toujours les mêmes sans graisse. Pour chagrin, mon crâne s'embraise. Trop de trucs m'oppressent, j'ai plus le temps, je m'empresse. Comme ce monde qui court à sa perte. Grâce au texte, c'est du soutien que j'apporte. Grâce au texte, c'est du soutien que j'apporte. C'est du soutien que j'apporte.